ciel qui t'attendait, plutôt nous t'aurions trouvé. De grands esprits sont connectés, overdose d'amitié. Toujours voué, attaché au nœud de ton.